بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc on va continuer inshallah sur notre étude du livre de l'unicité du grand imam Mohammed ibn Ismail al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Donc dans la dernière allocution, on était toujours sur l'étude et on avait terminé l'étude du chapitre concernant l'un des noms sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Razzaq, le fait qu'il est le dispensateur, le pourvoyeur, le grand pourvoyeur de la subsistance des êtres. Et donc on avait dit qu'il était très judicieux et pertinent que l'auteur ait mentionné ce chapitre après avoir mentionné le chapitre précédent qui était lié au chapitre concernant l'un des noms sublimes d'Allah qui était Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Le fait qu'on ait parlé dans le premier chapitre du nom sublime d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait qu'il est le tout miséricordieux, et donc on a parlé de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur dans ce nouveau chapitre nous a enseigné qu'Allah jalla wa ala était le grand pourvoyeur et celui qui était le grand dispensateur aussi de la subsistance des êtres et de ses créatures. Et on a dit que c'était judicieux, il y avait un lien entre les deux chapitres, du fait que le fait qu'Allah Jalla wa Ala dispense ici la subsistance des êtres, et bien cela fait partie de sa miséricorde. Et donc, celui qui comprend cela alors, et bien il va comprendre le lien qu'il y a entre les deux chapitres. D'autant plus aussi, ce qu'il faut essayer de comprendre à travers l'étude de ces chapitres, comme on a dit précédemment, ce qui est primordial pour le musulman et pour la musulmane, c'est de connaître son Seigneur. Puisqu'on adore un Seigneur qui est unique, Allah Jalla wa Ala, notre Créateur. Et notre Créateur est celui donc qui mérite l'adoration. Qu'on lui voue tous nos actes d'adoration et que ces adorations-là soient vouées exclusivement pour lui, subhanahu wa ta'ala, exalté soit-il. Et donc de ce fait, le musulman, il lui incombe de connaître son Seigneur. Et c'est pour cela, à travers l'étude des noms sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ses attributs, on apprend à connaître notre Seigneur. C'est pour ça que dans le chapitre précédent, on a parlé de la miséricorde d'Allah jalla wa ala, et donc on a appris et on a su que Allah jalla wa ala donc est le grand miséricordieux subhanahu wa ta'ala, le très miséricordieux. C'est pour cela que au début de la sourate l'ouverture dans le Coran, on dit Bismillahi Ar-Rahman Ar-Rahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, ou bien on peut traduire aussi par le clément, subhanahu wa ta'ala, exalté soit-il. Donc il est le tout miséricordieux par excellence, et ça fait partie des choses importantes à savoir, à connaître, au sujet de notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur nous apprend que Allah jalla wa ala aussi, parmi ses plus beaux noms et parmi les noms sublimes, le fait qu'Allah jalla wa ala est le grand pourvoyeur et dispensateur de la subsistance. Et donc dans les allocations précédentes, on a parlé de ce sujet-là et on a dit que ça c'était une chose vraiment très importante pour le croyant et pour la croyante, qu'il fallait à tout prix connaître cela et que le croyant dans sa vie de tous les jours, au niveau de ses convictions, au niveau de sa croyance, il a besoin de connaître donc son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et à savoir, lorsqu'on a parlé de la subsistance, qu'Allah Jalla wa Ala octroie ses serviteurs, donc Allah Jalla wa Ala est celui qui comble ses serviteurs et les êtres de ses bienfaits. Donc Allah Jalla wa'ala nous a comblé de nombreux bienfaits. On avait dit pour cela, il faut que le croyant soit reconnaissant envers son Seigneur subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que les individus se divisent en deux catégories. Entre des individus qui sont reconnaissants face aux bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala et des individus qui sont ingrats. C'est pour cela, face aux bienfaits d'Allah, on a deux catégories d'hommes. Des hommes qui sont reconnaissants envers leur Seigneur subhanahu wa ta'ala et cette reconnaissance les mène donc à remercier leur Seigneur pour ses bienfaits. Et d'autres qui, eux, par contre, sont ingrats. Et donc, ils ne remercient pas leur Seigneur et font preuve d'ingratitude envers leur Créateur, subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que on a un récit qui illustre cela, un récit très pertinent qui est rapporté dans les authentiques. C'est un récit que nous rapporte le grand compagnon Abu Huraira, donc qu'il a entendu du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ce récit se passe à l'époque des enfants d'Israël. C'est un récit qui se passe donc à l'époque des enfants d'Israël et c'est le récit de trois hommes. Un qui était un lépreux, un autre qui était chauve et un autre qui était aveugle. C'est pour ça que le récit est connu sous le récit des trois hommes, du lépreux, du chauve et de l'aveugle. Alors, ces trois hommes-là, Allah Jalla wa'ala a voulu les éprouver et les tester, les mettre à l'épreuve. Et donc, il nous est rapporté qu'Allah Jalla wa'ala leur a envoyé un ange. Alors, premièrement, l'ange alla retrouver le lépreux. Et lorsqu'il se rendit chez le lépreux, il lui dit « Quelle est la chose qui te serait le plus agréable ?» Alors, le lépreux de lui répondre « Un beau teint, une belle peau et la guérison de cette maladie qui me rend répugnant aux yeux des gens. » Alors, l'ange lui répondit, après qu'il lui ait passé sa main sur... C'est-à-dire que l'ange, ensuite, il a passé sa main sur cet homme. Et ensuite, après qu'il ait passé sa main sur cet homme, alors les taches de la lèpre ont disparu. Ont disparu et ça a laissé place, ça a fait place à un beau teint, à une belle peau. Alors, l'ange ensuite lui dit, et lui dit, quel est le bien que tu préfères le plus? Alors, l'homme lui dit, des chameaux. Donc, alors, l'ange lui répondit favorablement, et donc, on lui donna une chamelle sur le point de mettre bas, et l'ange lui dit ensuite qu'Allah la bénisse. Ensuite, l'ange s'en alla. Lorsque l'ange s'en alla, ensuite, il alla trouver le deuxième homme qui était le chauve. Alors, lorsqu'il trouva le chauve, la même chose, il lui demanda « Quelle est la chose qui te sera le plus agréable ?» Et le chauve lui dit « Une belle chevelure, car les gens me trouvent ainsi répugnant. » Alors l'ange, de la même manière, passa alors sa main sur la tête de cet homme chauve et celui-ci fut couvert ensuite d'une belle chevelure. Alors ensuite, de la même manière, l'ange lui demanda « Quel bien tu préférerais le plus ?» Alors, l'ange de lui dire « Des vaches. » Alors, l'ange lui donna une vache qui était pleine, et l'ange lui dit qu'Allah la bénisse. De ce fait, après cela, de la même manière, l'ange s'en alla rencontrer le troisième homme qui était l'aveugle. Donc, lorsqu'il se rendit chez l'aveugle, il demanda la même chose à cet aveugle. Il lui dit « Quelle est la chose qui serait pour toi la chose la plus agréable ?» Alors il dit « Ce serait qu'Allah me rende la vue, afin que je puisse voir les hommes, » répondit l'aveugle. Alors, de la même manière, l'ange passa alors sa main sur les yeux de l'aveugle, et puis Allah Jalla wa'ala lui rendit la vue. Et de la même manière, l'ange lui demanda ensuite à cet homme « Et quel est le bien ?» qui te ferait le plus plaisir, alors l'homme de répondre des moutons. Et vous savez, à l'époque de cette histoire, de ce récit, le contexte, c'est que ça faisait partie des grandes richesses, les bestiaux comme un chameau, ou bien une vache, ou bien des moutons, des troupeaux, ça faisait partie des grandes richesses. Alors c'est pour ça que lui, l'homme, lui demande des moutons, alors il lui faut donner une brebis. Une brebis, bien sûr, qui était pleine et qui allait mettre bas. Alors, ensuite, les trois femelles, il est rapporté dans le récit qu'ensuite les trois femelles, ayant mis bas, le premier homme eut bientôt une vallée remplie de chameaux, le second une vallée remplie de vaches, et puis le troisième, il a eu une vallée remplie de moutons. Lorsque, alors le premier homme a eu l'équivalent d'une vallée remplie de chameaux, et que le second ensuite, il a eu l'équivalent d'une vallée remplie de vaches, et le troisième a eu l'équivalent d'une vallée remplie de moutons, c'est là que l'ange est revenu. Et puis l'ange revint, et d'abord, il commença, comme pour la première fois, par le lépreux. Par contre, là, la différence, l'ange est revenu voir le lépreux, mais avec l'allure d'un lépreux. Donc l'ange est venu sous l'apparence d'un lépreux, comme ce lépreux l'était auparavant. Alors, l'ange lui dit, je suis un homme malheureux. J'ai perdu en voyage toutes mes ressources. Et aujourd'hui, je ne peux que m'adresser à Allah, puis à toi. Au nom de celui qui t'a donné un beau teint, une belle peau, ainsi qu'une grande fortune, je te demande de me donner un chameau. Donc l'ange, ici sous l'allure d'un, à l'apparence d'un lépreux, lui demande juste un chameau et lui dit, cela me permettra d'achever mon voyage. Et d'autant plus, il lui dit, j'ai de nombreuses charges. L'homme lui dit, moi, j'ai de nombreuses charges. Et donc l'homme, l'ancien lépreux, a refusé de lui donner. Alors c'est là que l'ange, sous l'apparence d'un homme lépreux, lui dit, il me semble bien te reconnaître. N'étais-tu pas avant un lépreux, d'aspect répugnant et sans ressources? Et puis Allah ne t'a-t-il pas donné tout ce que tu as aujourd'hui? Alors, regardez ce que va répondre le lépreux, ou l'ancien lépreux. Il va dire, tous ces biens, je les ai hérités de mes ancêtres, répondit-il. Alors, l'ange lui dit, si tu mens, qu'Allah te fasse redevenir comme tu l'étais auparavant. Alors ensuite, l'ange, prenant la forme d'un chauve, donc il s'en alla voir l'homme qui auparavant était chauve. Alors, l'ange s'en alla vers lui et puis lui dit la même chose. Il lui demanda de l'aider et de lui donner une vache et il lui dit la même chose. Et puis, pareil, l'homme qui auparavant était chauve, eh ben, la même réponse lui a dit j'ai de nombreuses charges et il n'a pas voulu lui donner. Alors l'ange lui dit la même chose, tout cela provient de ton Seigneur. Alors qu'avant tu étais chauve, et c'est Allah qui t'a redonné une chevelure et qui t'a donné tous ses biens. Et puis l'homme lui répondit la même chose, non, j'ai hérité cela de mes ancêtres, il a renié le bienfait d'Allah. Alors l'ange de la même manière lui dit, si tu mens, qu'Allah te fasse redevenir comme tu l'étais auparavant. Ensuite l'ange s'en alla voir l'aveugle. Et donc il prit l'apparence d'un aveugle. Donc il se présenta et lui dit la même chose, je suis un malheureux voyageur. J'ai perdu en voyage toutes mes ressources et aujourd'hui je ne peux que m'adresser à Allah, puis à toi. Au nom de celui qui t'a rendu la vue, je te demande un mouton afin que je puisse achever mon voyage. Alors, l'homme lui répondit, j'étais aveugle et Allah m'a rendu la vue. Prends ce que tu voudras, car par Allah, je ne m'opposerai pas à ce que tu prendras pour Allah. Donc regardez la réponse de l'aveugle, lui elle est différente des deux premiers, du lépreux et puis du chauve. Lui l'aveugle, il a reconnu que ses bienfaits provenaient d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc il lui dit à cet ange qui était d'apparence d'un aveugle, il lui dit prends tout ce que tu veux, puisque avant j'étais aveugle, et puis Allah m'a rendu la vue, et puis Allah m'a donné tout ce que je possède aujourd'hui. Alors il lui a dit prends ce que tu veux, je m'opposerai jamais. Je ne m'opposerai pas à ce que tu prendras pour Allah. Alors l'homme, qui était l'ange en réalité, lui répondit, garde ton bien, c'était seulement pour vous éprouver tous les trois, et Allah est satisfait de toi, et il est en colère contre tes deux compagnons. Contre tes deux compagnons, répondit l'ange. Et ça, c'est rapporté aussi bien par l'imam al-Bukhari que par l'imam Muslim. Donc là, ici, la sagesse À comprendre ici, c'est que regardez, les deux premiers ont fait preuve d'ingratitude, ont renié le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, et puis le dernier, lui, a fait preuve, eh ben, de reconnaissance, et il a reconnu que ses bienfaits provenaient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ensuite l'ange, eh ben, lui a l'informé de cette bonne nouvelle, qu'Allah jalla wa ala était satisfait de lui. C'est pour cela que ça nous incite justement, eh ben, à être reconnaissant. Et que ces bienfaits dont Allah Jalla nous a octroyés, ces bienfaits dont il nous a comblés, eh bien de le remercier, et puis de savoir que tout cela provient de lui. Et d'être reconnaissant pour tout, que ce soit au niveau de la nourriture que la personne a, au niveau de ses habits, au niveau des biens, au niveau que ce soit d'autres biens aussi, dans la demeure dans laquelle il vit. Dans cette monture, s'il a une voiture ou autre, il doit remercier Allah Jalawala pour tout ce qu'Allah Jalawala lui a donné. Et ça, c'est une cause, ça fait partie des causes pour ce qu'Allah Jalawala lui rajoute. Donc ici, on s'est fait un rappel par rapport à, eh ben, un exemple d'ingratitude et un exemple de reconnaissance. Pour terminer l'étude de ce chapitre, regardez, observez bien, lorsque l'auteur nous a cité l'imam al-Bukhari dans son œuvre, il nous cite ce verset. Le verset où Allah Jalla dit qu'il est le grand pourvoyeur, le grand détenteur de la force, et puis il est Al-Matin. Il est Al-Matin. Et bien regardez, ce verset-là, qui était l'intitulé, hein, que l'auteur a utilisé en titre à son chapitre, et bien il suit les versets célèbres où Allah Jalla dit dans les versets précédents, il nous dit, Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Et je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Ensuite, Allah Jalla dit, et je ne cherche pas de risque, de subsistance, et je ne veux pas qu'ils me nourrissent. Ensuite, Allah dit, et certes, Allah est le grand pourvoyeur, le détenteur de la force, qui est Al-Matin. Donc, vous avez vu, ce verset-là, il vient après les versets que je viens de dire et de réciter, lorsqu'Allah nous dit, et je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Et Allah dit ensuite, et je ne cherche pas de subsistance. Et ni je ne veux qu'ils me nourrissent. Donc Allah Jalla n'a pas besoin de ses serviteurs, n'a pas besoin de ses êtres. Et c'est pour cela que ici il y a une observation minutieuse à faire et à remarquer. Des grands savants ont donné une très belle faïda. Ils ont dit, regardez, ce verset, donc, lorsqu'Allah Jalla dit, dans un premier temps, qu'il est le grand dispensateur et pourvoyeur de la subsistance, ici, ça répond au fait. Ça confirme le fait lorsqu'Allah dit « Je ne cherche pas de risque ». Pourquoi? Parce qu'ensuite, Allah Jalla va dire qu'il est le grand dispensateur de la subsistance. Ensuite, lorsqu'Allah dit, dans le verset suivant, « Je ne veux pas qu'ils me nourrissent », ici, eh ben, on a l'affirmation de cela, le fait qu'ensuite Allah va répondre à cela en disant « Parce qu'Allah Jalla est le grand détenteur de la force, il est El-Matin », traduction très relative et rapprochée, approximative, « Il est l'inébranlable Subhanahu ». Donc, vous avez vu, ce verset-là qui a été cité en intitulé de ce chapitre, il suit les versets que je viens de mentionner précédemment. Lorsqu'Allah dit, je n'ai créé les hommes ou les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, je ne cherche pas de risque et je ne veux pas qu'ils me nourrissent. Pourquoi? Parce qu'Allah ensuite nous dit, c'est lui qui pourvoit la subsistance des êtres et c'est lui qui est le détenteur de la force. Et c'est pour cela que dans l'allocution précédente, on a dit qu'il faut bien faire la distinction lorsqu'on parle de puissance et lorsqu'on parle de force. Ici, le nom qui est mentionné, ici, cet attribut qui est mentionné, c'est la force pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et on avait dit qu'il y a une différence entre la puissance lorsqu'on dit qu'Allah Jalla est le tout-puissant et lorsqu'Allah Jalla on dit qu'il est le détenteur de la force subhanahu wa ta'ala. Et on avait expliquer cela, bien expliciter cela dans l'allocution précédente. Et on avait terminé avec le hadith où Allah Jalla Wa'ala patiente sur les paroles nuisibles, alors que Allah Jalla Wa'ala est le seul et l'unique, alors certains, parmi ses créatures, parmi ses êtres, lui ont attribué un enfant. Et Allah, malgré cela, subhanahu wa ta'ala, il patiente. Il patiente, et malgré cela, le prophète Sam nous dit dans le récit, avec lequel on avait terminé notre allocution la fois dernière, et nous dit qu'Allah, malgré cela, eh ben, il leur accorde la santé et puis il leur accorde leur subsistance. Et ça fait partie des largesses de notre Seigneur, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis, ça fait partie de la grande miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais le fait qu'Allah, jalla wa ala, les gens qui lui désobéissent, par miséricorde d'Allah, leur donne leur subsistance. Allah donne la subsistance à tous les êtres, comme on l'a dit précédemment, croyants ou non-croyants. Mais ce qu'il faut savoir, Allah donne un délai. Allah donne un délai, et ceux à qui Allah, jalla wa ala, a octroyé la subsistance, il les a comblés de ce bienfait, et ils font preuve d'ingratitude en ne le remerciant pas. Et en ne l'adorant pas, lorsqu'ils ne l'adorent point, et lorsqu'ils ne vouent pas adoration à leur Créateur qui leur a tout donné, alors Allah Jalla wa Ala leur donne un délai, mais ensuite Allah Jalla wa Ala reprendra leur âme soudainement. Et là, chacun devra rendre des comptes pour ses actions. C'est pour ça qu'il est très important d'apprendre à connaître son Seigneur. C'est pour ça, à travers l'étude de ces récits, à travers l'étude de ces chapitres qu'a mentionné le grand imam Mohammed Ibn Ismail al-Bukhari, on apprend, à travers l'étude de ses noms sublimes et des attributs d'Allah, à connaître notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala. De même, on apprend que le fait d'avoir attribué des enfants à Allah, subhanahu wa ta'ala, comme certaines communautés précédentes, ils ont prétendu que leur prophète était le fils du Seigneur, subhanahu wa ta'ala, cela est un blasphème. Et cela est faux. Et Allah Jalla wa Ala n'a pas besoin d'avoir, on a dit, une descendance. Allah n'a ni engendré, n'a ni été engendré. On avait bien expliqué cela dans l'allocution précédente. Ce qu'il faut retenir, regardez, les gens ont blasphémé et les gens ont menti au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les savants nous enseignent, les grands savants de l'islam nous enseignent. Si les gens, leur langue n'a pas été à l'abri de blasphémer, de mentir au sujet d'Allah, d'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'on peut lui attribuer. D'attribuer par exemple à Allah des enfants, une descendance, une compagne. Si des gens ont prétendu cela, ont menti sur notre Seigneur, quel est le cas alors des créatures? C'est-à-dire que les gens à plus forte raison, ils vont mentir sur les créatures et les hommes. Si ils ont blasphémé au sujet du Créateur, alors il ne faut pas que l'individu s'étonne si ensuite aussi, eh ben, il mente au sujet des prophètes et au sujet des messagers et des envoyés d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et qu'il mente aussi au sujet des religions et de la religion. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'étonner. Comme les gens, eh ben, leur langue n'a pas été à l'abri de blasphémer et de mentir au sujet du Seigneur, subhanahu wa ta'ala, comme ils l'ont fait pour le Seigneur, ils l'ont fait aussi pour les prophètes, ils l'ont fait pour les envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala, et puis ils le font pour ceux qui suivent le message des prophètes. C'est pour ça que vous voyez beaucoup aujourd'hui, eh ben, qui critiquent, qui dénigrent, par exemple, les musulmans et les musulmanes, ceux qui suivent le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et qui sont restés sur le message de l'unicité, du monothéisme pur, on voit que des gens, eh ben, les critiquent et mentent sur les croyants. Et de ce fait, le croyant ne doit pas s'étonner. Pourquoi? Parce qu'ils ont menti avant cela sur le Créateur, subhanahu wa ta'ala. Ils ont menti sur les prophètes et les messagers. D'autant plus, alors ils mentent sur les êtres et sur la religion. C'est pour ça qu'on ne doit pas s'étonner. C'est pour ça que ce soit le croyant, bien la croyante, le musulman, la musulmane, le fait que lorsque la personne, eh ben, chemine sur le chemin de la droiture, et puis les gens le critiquent, le dénigrent, veulent le rabaisser par des paroles, avec des paroles qui sont mensongères. On ne doit pas s'étonner, puisque en toute époque, c'était comme cela. Tous les croyants ont toujours subi, eh ben, les préjudices des autres et les torts des autres, que ce soit des torts physiques ou bien par la langue. Et comme cela, ça a été à toute époque. C'est pour ça que le croyant, qu'il ne pense pas que lorsqu'il va commencer à cheminer sur ce droit chemin et adorer son Seigneur et vouer un culte pur à son Seigneur, qu'il ne pense pas que les gens vont lui verser le tapis rouge, vont lui exposer un tapis rouge devant lui, et puis il va marcher sur un tapis rouge, et puis il va avoir les éloges et les agréments des gens, et les gens vont le vanter. Non, bien au contraire. Il risque d'être critiqué, d'être remis en cause. Les gens vont mentir sur lui. Comme on le voit dans beaucoup de situations, on le voit et on a pu entendre beaucoup de choses fausses. Par exemple, lorsque les gens ont prétendu, par exemple, que le voile en islam n'était pas obligatoire, et beaucoup de gens ensuite ont commencé à remettre en cause le voile, à critiquer le voile, à se moquer du voile, ça c'est connu en tout temps et en toute époque. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'étonner de cela. Bien au contraire, nos sœurs, lorsqu'elles patientent avec leur voile, qu'Allah Jalla a légiféré, il n'y a aucun doute sur cela, le voile en islam est une obligation. C'est l'habit de la piété. C'est l'habit de la femme pieuse et vertueuse. Et cet habit-là, ce voile-là, qu'Allah Jalla a légiféré, eh ben, il y a unanimité. Il y a une unanimité chez les musulmans, que ce soit les grands savants de l'islam, dans toute la communauté musulmane, il y a unanimité sur le caractère légiféré de ce voile. Il n'y a aucun doute sur cela. Et sachez, lorsqu'on parle d'unanimité, sachez que l'unanimité dans l'islam fait preuve et fait office de preuve. La communauté est unanime sur une chose, sur un point, alors sachez que cette unanimité-là, cet accord-là, ce consensus-là, si vous voulez, est considéré comme un dalil, al-hujja, comme un argument et une preuve. Et c'est pour cela qu'il y a unanimité depuis les premières générations que le voile islamique est légiféré. Et il est obligatoire pour la femme de porter ce voile, plaise ou en déplaise. C'est pour cela que lorsque beaucoup de gens remettent en cause cela, eh ben, il faut que nos sœurs patientent et sachez qu'elles seront rétribuées. C'est un test. Et Allah, Jalla wa Ala, nous met à l'épreuve. Il nous met à l'épreuve avec ce test. Mais sinon, sachez que le caractère légiféré est unanime et vous allez trouver aussi bien dans le Coran, il y a les versets qui prouvent le caractère obligatoire du voile, aussi bien dans des hadiths authentiques, dans la sunna et la tradition prophétique de notre prophète, cela est stipulé et mentionné clairement. Et puis, on a l'unanimité des grands savants de l'islam et de la communauté musulmane sur ce point-là. Donc, cela ne fait aucun doute. Ensuite, qu'il y ait des gens qui se sont autoproclamés imams et qui vont prétendre le contraire, ça, il ne faut pas prendre cela en considération. Et puis le prophète, dans un hadith, eh ben, il nous a fait part de cela. Il nous a averti contre cela, contre des gens qui se diront imams et guides et qui seront des personnes qui égarent, qui vont être la cause de l'égarement d'autres gens. Et c'est pour ça que dans un récit authentique, le prophète, alors un jour, un compagnon lui a demandé, Ya Rasulallah, alors que les gens, eux, interrogeaient toujours le prophète sallam au sujet du bien. Lui, ce compagnon, il dit, moi, j'interrogeais le prophète sallam au sujet du mal, de peur que ce mal me touche et m'atteigne. Alors, il dit, j'interrogeais le prophète sallam au sujet du mal. C'est pour ça qu'il a dit, Ya Rasulallah, est-ce qu'après ce bien, il y aura un mal? Puisqu'on était dans le mal, ensuite on a eu un bien, le bien de l'islam. Ensuite, après ce bien, est-ce qu'il y aura un mal? Il y aura des choses mal. Et le prophète, ensemble, lui a dit, Naram, oui. Et parmi les choses que le prophète, ensemble, lui a évoquées, donc c'est le hadith de Hudhayfa ibn Yémen, il lui a dit, il y aura des gens qui seront aux portes de l'enfer et prêcheront les gens, prêcheront, appelleront les gens. Et ces prêcheurs aux portes de l'enfer appelleront les gens, et ceux qui répondront favorablement à ces prêcheurs, eh ben, Allah, le prophète, ensemble, plutôt, nous dit, ces gens-là seront précipités. Ils précipiteront ces gens dans l'enfer. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Donc, il y a des gens qui appellent à l'enfer, et les gens qui répondent favorablement à leur appel peuvent être précipités dans l'enfer. Donc, il faut faire très attention. Alors, le compagnon, stupéfait de cette réponse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le prophète lui a dit, Naram, du'atun ala abwabi jahannam, man ajabahum ilayha qadhafuhu fiha. Ensuite, le compagnon dit, Ya Rasulallah, sifhum lana. Qala sallallahu alayhi wa sallam, qawmun min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Le prophète, alors lorsque le compagnon ensuite, qui était stupéfait, lui dit, Ô messager d'Allah, peux-tu me les décrire? Alors le prophète lui a dit, oui, ce sont un peuple de notre peau et qui parle notre langue. Alors le compagnon, stupéfait aussi, lorsque le prophète lui a dit, c'est des gens de notre peau et qui parlent notre langue, qawmun min jildatina, donc je traduis littéralement, hein, wa yatakallamuna bi alsinatina. Qala Hudhayfa, ya Rasulallah, fama tara in adraka ni dhalik. Fama tara in adraka ni dhalik. au messager d'Allah, que dois-je faire si cela arrive à mon époque? Si je vis cela, ce que tu es en train de nous enseigner, que dois-je faire? Alors le prophète, alayhi salam, lui a dit, فَلْزَمْ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ قَالَ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَاقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنْتَ عَضَ عَلَى أَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ. Alors le prophète Ansem lui a dit, si tu vis à cette époque-ci, alors il dit, rejoins le groupe des musulmans et aussi rejoins ce groupe-là et ceux qui ont l'imam, c'est-à-dire un imam. Falzam jama'at al-muslimin wa imamahum. Donc rejoins ce groupe de croyants et leur imam, c'est-à-dire celui qui détient le gouvernat parmi eux. Ensuite, Hudayf ibn al-Yaman, le compagnon stupéfait, dit au messager d'Allah, mais c'est à cette époque-ci, il n'y aura pas de groupe, de communauté, de jama'a, de croyants, d'hommes pieux, avec un détenteur du gouvernat et du pouvoir. Que dois-je faire? Alors le prophète Azam lui a dit, isole-toi de toutes ces fractions. Jusqu'à ce que la mort te parvienne, même si tu devais mordre à la racine d'un arbre, jusqu'à ce que la mort te parvienne et que tu sois sur cela. Donc le prophète Hassan l'enjoint de vraiment, si il vit dans une époque où il n'y a pas de croyants, par exemple un groupe de croyants avec un imam, un guide pour ces croyants-là, alors qu'il s'isole de toutes ces fractions et qu'il attende la mort, même s'il devait mordre à la racine d'un arbre, être sur cela, sur cette situation et cet état-là, et attendre que la mort le parvienne. Tellement l'affaire est grave, et qu'il faut faire attention, il faut être prudent. Donc le prophète Hassan nous informe de ces gens. Yastannuna bi ghayri sunnati wa yahtaduna bi ghayri hadi. Au début du récit, le prophète nous dit, ces gens-là viendront et ils suivront une autre guidée que ma guidée, et une autre voie que ma voie. Donc le prophète Hassan, parmi les signes de la fin des temps, des gens viendront et suivront une autre voie, une autre guidée que celle du prophète Hassan, une autre tradition que celle du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. C'est pour cela qu'il y ait des gens qui s'autoproclament imams, ensuite qui soient médiatisés, et ensuite qui remettent en cause des choses importantes et claires, des bases essentielles de notre religion, cela n'est pas pris en considération. Cela n'est pas pris en considération. Alors si des imams apparaissent à travers les médias en nous disant que le voile n'est pas une obligation ou autre, on ne le prend pas en considération. Ce qui importe pour le croyant, ce sont les textes. C'est ce qui est dit dans le Coran, parce que le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que notre prophète, Mohammed sallam, notre bien-aimé prophète sallam, que les prières et la paix soient sur lui, nous a enseigné? Voilà ce qui nous importe. Et d'autant plus, donc, comme je vous ai dit précédemment, on s'est fait un rappel sur le voile. Pourquoi? Parce que ça fait partie des choses qui ont été remises en cause. Et les femmes et nos sœurs qui patienteront, ils vont endurer les mépris et les mauvaises paroles et les dénigres. Sachez que vous avez une grande récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallam nous a dit que l'islam est venu étranger, il repartira étranger, et heureux soient les étrangers. Heureux soient les étrangers. Un bon croyant, parfois, il va se trouver étranger dans la société dans laquelle il vit. Parfois, il va se trouver étranger au sein de ses proches, dans sa famille. Parfois, il va se trouver étranger avec ses amis. Parfois, il va se trouver étranger au sein de ses collègues au travail. Parfois, il va se trouver étranger même dans la communauté. Du fait que lui, il fait le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, il pratique sa religion comme il se doit, certaines choses parfois sont étranges pour beaucoup. Si le croyant se sent parfois étranger, si ma sœur, tu te sens étrangère avec ton voile, parfois, on a des sœurs parfois, c'est dur pour elles de porter le voile dans leur maison. Leurs parents parfois n'acceptent pas ça, ils ont des familles qui n'acceptent pas ça, donc elles se sentent étrangères. Parfois, on a des frères, le fait qu'ils pratiquent assidûment plutôt la prière, la sunna du prophète, se trouvent étrangers au sein de leur foyer, de leur famille. Le prophète Zam nous a averti au sujet de cela, que l'islam est venu étranger, il repartira étranger. Et le prophète Zam nous dit, heureux soient ces étrangers. Donc celui qui se sent ghalib, et le prophète Zam dans un hadith dit à un compagnon, kun fi dunya ka annaka ghalib, soit dans cette vie d'ici-bas ka annaka ghalib ou abir sabil, soit dans cette vie d'ici-bas comme un étranger ou bien un simple passant. Donc le prophète nous a exhorté à être dans cette vie d'ici-bas comme des étrangers ou bien comme des simples passants. Donc si tu te sens parfois étranger, au sein de tes proches, au sein de tes amis ou autres, dans ton entourage, sache que le prophète sallam dit heureux soient ces étrangers. Et la récompense est immense. Et un jour, les compagnons ont interrogé le prophète sallam au sujet de ces étrangers. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qawmun salihun qalil fi nasin su'in kathir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, alors que ses compagnons l'ont interrogé au sujet justement de ces étrangers, qui sont-ils? Comment les qualifier? Comment ils sont décrits? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qawmun salihun qalil. Ce seront des gens pieux, mais peu. C'est-à-dire que ce seront des gens qui seront vraiment vertueux, avec des bonnes morales, mais ils seront peu nombreux. Parmi des gens nombreux, mais mauvais. Donc regardez, les gens bons et les gens vertueux, les gens de bonne morale, de bonne moralité, qui seront droits dans leur religion, seront très peu. Il va venir une époque où ils seront peu. Et là, le prophète sallam nous dit « Qawmun salihuna qalil finasin suin kathir » alors que les gens, eux, vont se corrompre. Alors eux, ils restent bons malgré cela. C'est pour ça que le prophète sallam dans un récit, pour ceux qui patientent, il dit que ces gens-là qui viendront plus tard, alors qu'ils n'ont pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui ont cru en lui, alors le prophète sallam dit qu'ils auront la récompense de 50 compagnons. Ces gens-là auront la récompense de 50 compagnons. D'où l'importance donc de patienter. Et la récompense de 50 compagnons, on ne parle pas de la valeur. On ne peut pas atteindre la valeur des compagnons du prophète sallam. Mais ici, c'est en termes de récompense tellement tellement, il sera difficile parfois pour le croyant. Regardez, le prophète sallam nous décrit, il arrivera un temps où il sera dur pour le croyant de tenir sa religion. Et il compare cela, il illustre cela en disant, ça sera comme s'il tient une braise ardente dans la main. Vous avez une personne qui tient une braise ardente dans la main, comme elle est difficile de la garder dans sa main, tellement qu'elle est brûlante cette braise. Et bien le prophète sallam dit, il va arriver un jour où patienter, endurer avec sa religion, ça serait comme si l'individu tient une braise ardente dans sa main. Donc c'est un exemple qui est très fort de notre prophète, alayhi salat wa salam, et c'est pour ça que ça demande de la patience. C'est pour ça que ceux qui sont sur le droit chemin, qui croient en Allah et en son messager, et qui espèrent la rétribution de notre Seigneur, qui espèrent l'au-delà, alors il ne faut pas faire attention aux dénigres, aux critiques. Ils ne font pas faire attention à tous ces blasphèmes. Et ce qu'il faut faire attention, c'est d'avancer et de rechercher l'agrément de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et l'individu, lorsqu'il est dans la religion, comme on a dit précédemment, eh ben on va pas lui mettre les tapis rouges devant lui, mais il va devoir prouver son iman. C'est pour ça, dans la sourate l'araignée, Allah dit « Alif la'amim, ahasib an-nas, an yutraku an yakulu amanna, wa hum la yuftanun » Allah dit « Est-ce que les gens penseront qu'on les laissera dire qu'ils ont cru sans qu'ils soient éprouvés. » Donc Allah, Jalla wa'ala, va mettre à l'épreuve la foi de ses serviteurs. Et ceux qui prétendent avoir cru en lui, avoir cru au messager, alors Allah, Jalla wa'ala, va le mettre à l'épreuve et le tester. Et celui qui arrivera à prouver sa foi, il va être persévérant, endurant dans la pratique de sa religion et dans son culte envers son Seigneur, alors Allah, Jalla wa'ala, eh ben leur annonce une rétribution qui sera immense. C'est pour cela que les femmes qui tiennent bon, qui s'accrochent avec leur voile et avec leur habit de la chasteté, c'était cet habit que les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam portaient, que les femmes des compagnons et de toutes les générations parmi les croyants et les musulmans, eh ben ces femmes-là qui tiennent et qui s'accrochent à leur religion, « et tamassakun bil kitab » alors Allah Jalla wa'ala leur promet une grande rétribution. Regardez, Allah Jalla wa'ala dit dans un verset « Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alayhim wa lahum yahzanun » Allah dit dans un verset « Ceux qui ont dit Allah est notre Seigneur et qui ont été droits, qui ont été sur le chemin de la rectitude, ils ont été droits dans cela, Allah dit « fala khawfun alayhim wa lahum yahzanun » Point de peur pour eux et point de tristesse. Ils n'ont pas à avoir peur et ils ne seront point attristés. Et ça, c'est un verset qui est immense. Allah nous dit que ceux qui disent « Allah est notre Seigneur », ensuite ils seront droits. Ils vont faire preuve de droiture. Allah, Jalla wa'ala, dit « Point de peur pour eux ». Alors que, par exemple, et certains savants nous expliquent, c'est une grande exhortation, alors que les gens ne connaissent pas leur futur après la mort. Quel va être le futur? Quel va être leur avenir dans leur prochaine demeure, dans la tombe, dans l'au-delà? Quel sera leur devenir? Allah nous dit, Jalla wa'ala, fala khawfun alayhim, n'ayez pas peur. Si la personne était croyante, Allah, Jalla wa'ala, dit, n'ayez pas peur. Et ensuite, L'individu va avoir un autre sentiment, le fait qu'il va regretter. Il va commencer à avoir des regrets, donc s'attrister du fait qu'il aurait pu œuvrer plus dans cette vie d'ici-bas. Il n'a pas saisi cette opportunité, le temps qu'il avait. Allah Jalla wa Ala dit « Wala tahzanoun, wala yahzanoun » et ne soyez point attristés. Donc ces croyants-là qui ont cru en Allah et sont restés sur le chemin droit, Allah dit « Point de peur pour eux, ils ne seront point attristés. » Et dans un autre verset similaire, regardez Allah Jalla wa Ala nous dit « Inna alladhina qalu rabbuna Allah » ثم استقاموا فتتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Allah Jalla wa Ala nous dit dans ce verset, ceux qui ont dit, donc ça c'est un autre verset qui est similaire, où Allah Jalla wa Ala nous dit, ceux qui ont cru en Allah, ont dit Allah est notre Seigneur. Ensuite, qui ont été droits. Allah nous dit, tatanazzalu alayhim al-mala'ikatu. Des anges descendent à lui. Certains exégètes du Coran ont dit que ce verset veut dire qu'il parle que lorsque l'individu va subir les affres et l'agonie de la mort, lorsqu'il va rendre l'âme, lorsqu'il partira, il rendra l'âme, alors avant de mourir, des anges viendront et seront autour de lui. Des anges viendront, tatanazzalu alayhim al-mala'ikatu. Des anges descendront. Ils seront autour de lui et diront « Alla takhafu wa la tahzanu » « N'ayez point peur et ne soyez point attristés. »« Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya fil akhira » Et ces anges vont commencer à annoncer la bonne nouvelle à cette personne qui quitte ce bas monde. Ils vont lui dire « Nous sommes vos alliés dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. » Donc après que les anges ont annoncé « Alla takhafu wa la tahzanu » « N'ayez point peur, ne soyez point attristés. » Ne soyez point affligés. Les anges diront, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya fil akhirah. Nous sommes certes vos alliés. Donc c'est les anges qui annoncent, nous sommes certes vos alliés dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Ensuite, ils vont annoncer à ce moment que vous allez avoir tout ce que votre âme convoite dans l'au-delà. Tout ce que vous allez convoiter, votre âme convoite, eh ben la personne l'aura dans l'au-delà. Donc vous avez vu, c'est des versets vraiment qui exhortent à la patience et à l'attachement à la religion de notre Seigneur. Donc voilà, on a terminé donc l'étude de ce chapitre. Et donc, on va passer à un nouveau chapitre qu'on commencera dans la prochaine allocution où Allah Jalla wa Ala, ou plutôt l'auteur, l'imam Mohammed ibn Ismail al-Bukhari, dans ce prochain chapitre, il va nous parler de l'un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est la connaissance. Mais cette connaissance, c'est ce qu'on appelle la connaissance éternelle, parfaite de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Donc on va parler de ce qu'on appelle sifat al-ilm, de l'attribut de la science, qu'Allah jalla wa ala est l'omniscience, celui qui cerne tout de son savoir. Et la connaissance d'Allah jalla wa ala, ou plutôt la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, est une science éternelle et infinie qui n'a jamais été précédée d'une ignorance. Et cela, on va en parler dans la prochaine allocution, Inch'Allah, si Allah nous le permet. Et vous allez voir que ça, ce sont des sujets qui sont très importants pour connaître notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et plus le croyant, plus l'individu connaît son Seigneur, il a une connaissance envers son Seigneur, il sait qui est-ce qu'il adore, plus eh ben, il va reconnaître la grandeur, l'immensité de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et plus on va méditer donc les noms sublimes d'Allah et les attributs de perfection de notre Seigneur, plus on va se rendre compte de l'immensité de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et de ce fait, l'individu, le croyant, se soumettra complètement à ce Seigneur qui l'a créé, qui détient les plus beaux noms, les noms sublimes et les attributs de perfection. Et c'est ça la science du tawhid. La science du tawhid, c'est reconnaître l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala pour que le serviteur ensuite l'unifie dans son culte et dans son adoration. Et comme on avait dit dans les allocutions précédentes, c'est ça la réalisation de la parole « La ilaha illallah ».« La ilaha illallah ». Et donc on va se quitter sur cela. « Wallahu a'lam wa billahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik » أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك